Chapitre 4. Rencontre à Glasgow. Vers l'est. C'était tout ce que savait Ginny Weasley. Ils devaient marcher vers l'est, jusqu'à Glasgow. Ils avaient peut-être toute la largeur de l'île à traverser avec des mages noirs à la recherche de la jeune fille. Stephen Wright se demandait si cette histoire n'allait pas le rendre fou. Et finalement, il se dit que pour se mettre à croire une fille qu'il ne connaissait pas, lui parlant de sorciers et d'écoles de magie, il devait déjà être totalement fou. Ils marchèrent plusieurs heures et atteignirent un village que ne connaissait pas Ginny Weasley. Wright se dit qu'il y avait des chances pour que ce soit un village normal. Profitant du couvert de la nuit, il s'infiltra dans un jardin et rampa jusqu'à une véranda. Derrière les vitres, il repéra plusieurs vêtements, pour hommes et femmes. Il crocheta discrètement la serrure et vola des habits au hasard. Ils s'éloignèrent du village et se cachèrent dans un buisson sur le côté de la route. « Ce n'est pas du dernier chic, ni forcément à votre taille, mais il faudra s'en contenter, » dit-il. « Si j'avais une baguette, j'arrangerais ça vite fait, » fit-elle en essayant d'ajuster au mieux un pantalon. « Je suis pressé de voir ça. En attendant, la seule baguette que l'on ait, c'est celle-là, » indiqua-t-il en montrant son M4. « Elle est un peu voyante, donc il va me falloir un sac à dos pour la transporter en la cachant. Nous verrons ça dans le prochain village. On repart. » Dans le village suivant, Wright et Ginny ne trouvèrent aucun sac convenable pour le matériel du sergent. Mais dans le suivant, ils repérèrent un sac à dos de randonnée dans un appentis. L'appentis n'était fermé que d'un cadenas. À l'aide d'une barre de fer, Wright fit levier et brisa lance. Il ne fit que rentrer, prendre le sac et ressortir. Mais au moment où il sortit, il tomba nez à nez avec le canon d'un fusil de chasse. Il allait lever son arme, mais une voix bourrue lui somma de ne pas y penser. « Petit voleur de merde !» fit la voix bourrue. « Je vais te livrer aux flics !» Wright repéra Ginny, toujours cachée derrière une haie. Il ne pouvait pas lui faire signe de ne pas bouger sans éveiller les soupçons du propriétaire. Elle fit un pas sur le côté. Le bruit sec d'une brindille craquant sous son poids fit sursauter l'homme. Il se retourna d'un coup en criant. Wright en profita pour le désarmer, tout en le bâillonnant d'une main. Il l'assomma d'un coup de crosse de son propre fusil de chasse sur le sommet du crâne. Ginny rejoignit Wright. Vous allez bien ? Demanda-t-elle. Race, fit-il en se penchant sur le propriétaire. Où ça, des rats ? Par rat. R-A-S. Ça veut dire rien à signaler ou rien à secouer, au choix. Oh, qu'est-ce que vous faites ? Je lui fais les poches. Quitte à être poursuivi autant que ce soit pour quelque chose. Wright se saisit de son portefeuille et l'ouvrit. Il ne contenait que quelques livres sterling. Il en prit l'argent et laissa le reste. Il commença à partir en faisant signe à Ginny de le suivre. Cette fois, ils passèrent par les champs et se cachèrent dans un bosquet. Wright profita de cet arrêt pour mettre dans le sac tout son attirail militaire. Il ne garda sur lui dissimulé qu'un couteau de combat et son pistolet MEU SOC, pistole. Maintenant qu'ils étaient un peu plus discrets, ils pouvaient chercher un moyen plus rapide de rejoindre Glasgow. Mais en pleine nuit, cela serait suspect. Ils trouvèrent une route bitumée avec un panneau indiquant la direction de Glasgow. Ils se dissimulèrent à proximité pour se reposer en attendant l'aube. Une fois le jour levé, ils marchèrent en direction de la ville. Lorsqu'une voiture allant dans leur direction passait, Wright lui faisait signe en espérant qu'elle s'arrête. Il fallut attendre au moins 10 heures du matin pour qu'une voiture daigne s'arrêter. Le propriétaire n'allait pas jusqu'à Glasgow, mais proposa de les avancer jusqu'à la ville suivante. Stephen et Ginny profitèrent de leur escale à la ville pour manger quelque chose de consistant. Pour rejoindre Glasgow, le moyen le plus rapide et le plus sûr était de prendre le bus. Ginny ne s'y entendant pas du tout avec les mœurs moldues et leur argent, ce fut Wright qui s'en chargea. Le voyage en bus ne fut pas très agréable, mais au moins, ils arrivèrent à bon port. La ville était grande. Stephen espérait que la jeune sorcière savait où trouver son ami. Il lui posa la question. « À vrai dire, je ne sais pas du tout où il habite. » avoua-t-elle. « Quoi ?»« Il se cache des mange-morts et du ministère de la magie. Ces derniers ont des moyens de faire parler les plus réfractaires. »« Vous avez quand même un moyen de le joindre ?»« Je pense. Il doit quand même s'acheter de la nourriture et d'autres affaires quotidiennes. Le plus sûr pour eux est de le faire du côté moldu. »« Et il est plutôt quoi ? Petit marché du samedi matin ou supermarché ?» Je pencherai pour épicerie de quartier. Ça va nous prendre des heures pour tout vérifier. Autant commencer au plus vite. » Une par une, ils firent les petites épiceries. Ginny décrivait son ami pour savoir si le commerçant l'avait vu dans le coin. Ils passèrent la journée à vagabonder dans toute la ville. La nuit commença à tomber. Ils devaient trouver un endroit où passer la nuit. Ils n'avaient plus assez d'argent pour aller à l'hôtel et devraient dormir dans la rue. Soudain, un bruit attira l'attention de Steven. Il regarda discrètement au-dessus de son épaule et entreaperçut une ombre qui se dissimulait derrière un angle de mur. Ils étaient suivis. Depuis quand ? Avec la foule de la journée, ils ne pouvaient le savoir. Peut-être étaient-ils filés depuis le matin. Steven tira Ginny dans une ruelle sombre en lui faisant signe de se taire. Il lui ordonna de se cacher et de ne pas bouger. Steven se plaqua dans un coin sombre en sortant son pistolet. L'homme qui les suivait déboucha dans la ruelle. Il était habillé d'une sorte de long manteau noir, comme ceux qui poursuivaient Ginny à Poudlard. Précautionneusement, il s'avança sans repérer le sergent. Ce dernier surgit et, d'un mouvement vif, plaqua l'homme au sol et l'immobilisa avec une clé de bras tout en collant le canon de son arme sur sa nuque. L'homme gémit. « Qui êtes-vous et pourquoi nous suivez-vous ? » questionna Steven. « Et vous, vous êtes qui ? » fit de même l'homme. « Neville ? » s'exclama Ginny en sortant de sa cachette. « Neville, c'est toi ? » ?»« Ginny, c'était donc bien toi. Je n'en étais pas sûr, c'est pourquoi je vous ai suivi. » « Steven, c'est un ami. »« Vous en êtes sûr ? » fit Steven. « Oui, il est de la Résistance. » Steven relâcha sa prise et se recula d'un pas sans quitter le dénommé Neville des yeux et sans ranger son arme. Neville se releva. Ginny lui sauta dans les bras, puis il se tourna vers le sergent. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « C'est un moldu, » répondit Ginny. « C'est une longue histoire. Il a besoin d'aide. » « Allons chez moi, vous me raconterez. »